Je peux vous dire, à des moments donnés, quand vous êtes dans le désert et vous comprenez toute l'atmosphère du Coran, et à des moments donnés, il y a un silence comme ceci, il y a un horizon. Et moi, les choses que je me suis dites en voyant le désert, je me dis, mais quand tu vois le désert, ne pas croire en Dieu, c'est pas naturel. Il y a quelque chose comme ça, un horizon comme ceci. Alors, il est à côté de vous le frère, il est à côté de vous le frère en humanité, parce que tous ne sont pas musulmans, et ils se taisent. Ils sont à côté de vous, ils vous poussent à communiquer avec l'univers, à communiquer avec le créateur de l'univers, et à communiquer avec eux, vous n'allez pas dire non, vous n'avez rien fait. Mais vous parlez tout le temps. Mais de cette parole qui est, mon cœur te parle, ma bouche ne dit rien. Puis vos vrais frères, vos vraies sœurs, en humanité ou en islam, ce sont ceux-là quand même. Des moments donnés, t'as rien dit, mais il a tout compris. C'est comme les Prawats, c'est-à-dire ceux qui sont de l'élite, ceux qui ont les karamets. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de spiritualité, en ce moment, elle donne quelque chose qui est el fokram ou el karamet, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à l'ordre naturel. Vous n'avez même pas besoin de parler, personne ne vous regarde à pied la vue. Elle peut vous dire des choses qu'il y a en vous, vous n'avez même pas parlé. C'est comme si on vous voyait comme ceci.